Une tasse de français. Французский за чашкой кофе. Comment visiter Paris en un jour? Прослушайте текст и скажите, что успела смотреть Джим и сколько он потратил на это времени. Jim Jones est anglais. Il a 15 ans. Il passe le mois de juillet à Paris chez Philippe Daumier. Ils font un échange. Philippe va passer le mois d'août en Angleterre chez les Jones. Les Daumier trouvent Jim très sympa. Il fait toujours des compliments à Madame Daumier à la fin du repas. Et il fait souvent la vaisselle. Il est patient avec Cécile, la sœur de Philippe, qui a 8 ans et qui est plutôt énervante. Jim veut voir tout ce qu'il y a à voir à Paris. Mais il n'a pas beaucoup de temps. Les Daumier l'amènent camper en Camargue demain. Avant ça, il veut voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la place de la Concorde, le Louvre, Notre-Dame et le Quartier Latin. Juillet n'est pas le mois idéal pour visiter Paris. On trouve des touristes partout, dans tous les restaurants et dans tous les musées. Jim attend 2 heures devant le Louvre. Il n'a plus beaucoup de temps pour la visite. Alors, il visite le Louvre en 23 minutes. C'est le record de l'année. 5 minutes pour la collection espagnole, 6 minutes pour la collection italienne, 1 minute pour la Joconde, 2 minutes pour la collection anglaise, 1 minute pour la Vénus de Milo et 8 minutes pour acheter des reproductions. Du Louvre, Jim va au Quartier Latin. Oula, il y a beaucoup de touristes de toutes les nationalités. Ils montent et descendent le boulevard Saint-Michel. Ils mangent un sandwich avec un Coca-Cola et ils regardent les autres touristes. Jim va à pied à la Tour Eiffel, mais il y a une longue queue. Alors il achète une Tour Eiffel miniature et décide de rentrer. Demain, il part pour la Camargue.